Attention, attention. Le 17 Avenue des Pins éprouve présentement des difficultés techniques concernant la qualité sonore de l'émission. Heureusement, la qualité du contenu ne cesse de s'améliorer pour le plus grand plaisir de notre auditoire. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, Avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, Avenue des Pins. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bonjour tout le monde, bienvenue au 17 Avenue des Pins. Bonjour Maxime. Ben bonjour à la maison, bonjour Guillaume. Je suis vraiment enchanté de te retrouver cette semaine, Maxime, au 17 Avenue des Pins. Ben j'espère que t'as commencé avec une petite chanson. Oui, ben j'ai plein de suites à faire sur les commentaires que j'ai portés la semaine dernière pendant la divulgation de notre semaine. Mais de toute façon, tu parlais déjà dans le futur, mais là tu peux nous confirmer les choses. Je peux vous confirmer les choses. Pa, pa, pa, pa. Donc, en manchette, Rosalie a accepté, je suis maintenant fiancé. Shout out à Rosalie, oh yeah! Bon choix. Vraiment, elle a fait un très très bon choix, en tout cas, ça l'avait pas fait. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que c'était tout stagé, puis c'était parfait, c'était la meilleure chose. Fait que là, on était parti au chalet pendant 3-4 jours, comme je vous disais, puis là, je vous ai dit, on va faire ça là-bas. Là, on était parti faire du patin, il y avait un sentier de patin. Il est probablement encore là. Ça, c'est cool. J'aimerais ça faire ça, un sentier de patin, un moment donné, mais ouais. J'ai comme pas le temps, puis il fait froid, puis j'aime pas le froid. Ouais, je te comprends. Ceci étant dit, c'était pas un long sentier de patin, c'était 1,7 km, là. Fait qu'en patin, ça, c'est vraiment pas long, là. Ça prend quelques minutes, 2-3 minutes, là, puis fait le tour du sentier, là, parce que t'avances tout le temps, hein, essentiellement. Ben oui. C'est la friction. Exactement. Et c'était quand même une belle place là. Il y avait une forêt pis tout. Puis là, à un moment donné, Rosalie était rendue un petit peu plus loin derrière. Puis là, elle a sorti son téléphone. Puis là, elle prenait des photos de moi derrière. Puis là, je me retourne. Puis j'étais comme, ah, t'es en train de me photographier le derrière. Ha ha ha. Tu sais, un petit rire. Ça bouge un mot. Ouais, oui, c'est vraiment drôle. T'étais stressé à ce moment-là? Pas tant. Non, ça allait bien détendu. Ben chill. Fait que là, moi, j'ai suivi mon plan de match dans ma tête. J'ai dit à Rosalie, faudrait qu'on demande à quelqu'un de prendre des photos de nous autres. Hey, crime. Hey, c'est un bon plan. Je vois aller. Eh oui, c'est bon, ça. Fait que là, on voit un monsieur passer, il est en train de faire du patin avec son fils, puis je dis comme, monsieur, ça vous dérangerait-tu de prendre une ou deux photos, mettons? Tu avais pas parlé avant. Pas de problème. Non, j'y avais pas parlé pendant tout. Fait que là, on s'installe, là. Rosalie, elle vient pour se coller, là, pour faire une photo, là, ensemble, là. Puis là, moi, je l'ai repoussé de la main. Attends, elle devait se demander ce qui se passait. Là, ben, vraiment, ça, elle disait, elle m'a dit par après, je comprenais pas pourquoi tu te tossais. Là, après ça, elle a compris. Parce que là, le monsieur s'est installé pour prendre une photo. Là, je me suis agenouillé. J'ai sorti la bague qui était soigneusement rangée dans ma poche gauche. Elle s'en est jamais rendu compte que t'avais quelque chose dans la poche? Je me suis rendu compte que j'avais quelque chose dans la poche. Je la sors et j'ai dit, Rosalie, veux-tu m'épouser? Puis là, là, elle avait la bouche jusqu'au sol, là, jusque sur la glace, puis elle était comme, ah oui. Puis là, elle m'a donné des gros câlins, elle pleurait. Puis là, c'était vraiment un beau moment. Le monsieur était pas trop malaisé. Non, il a pris une photo, puis après ça, il nous a redonné le téléphone. Il a dit, je sais pas si ça a marché, j'ai essayé de changer au mode vidéo quand j'ai vu que tu t'agenouillais, là. Mais il dit, je sais pas si ça a marché. Finalement, on a regardé, ça a vraiment pas marché, là. Il a recommencé la vidéo quand on a repris le téléphone. Fait qu'on a comme 47 minutes de vidéo de téléphone dans la poche à Rosalie. Fait qu'il a comme rien. Là, on entend à travers la forêt, je suis vraiment contente d'avoir assisté à ça. Hey, tu prendras ça pour la transition de l'épisode. Oui, c'était parfait. mais ça c'est le beau moment. Puis là, on planifie déjà le mariage qui s'en vient. Ce sera cet été. On vous donnera plus de détails au 17 Avenue des Pins. Parce que là, j'ai besoin de votre aide au 17 Avenue des Pins. Je t'explique quelque chose, Maxime. Tu sais que depuis toujours, moi, j'aime la lutte. Ben oui, c'est une des trois choses que t'aimes beaucoup dans la vie. Avec les jeux vidéo et te fâcher en perdant aux jeux vidéo. Oui, entre autres, et peut-être aussi les pogo, mais ça on en reviendra. Donc, j'aime la lutte, puis j'écoute ça depuis très très longtemps, là. J'écoutais ça avec papa, tu te souviens, là, quand Rey Mysterio, il rentrait sa rampe en sautant. Ouais. Mettons, je sais pas moi, quand... Chris Benoit, le Chris Benoit était très très bon, là, mais oui. En tout cas, c'est un petit peu douteux comme storyline, mais on y revient. Viendra également. Je pense que c'est pas le... Monsieur McMahon qui explose. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, en tout cas, il est arrivé toutes sortes d'affaires spéciales. Là, tu dois te demander, Maxime, mais où est-ce qu'il s'en va? Fais-tu un match de lutte pendant ton mariage? Non, mais je suis en train de me rendre compte d'une chose. Moi, j'ai toujours voulu être lutteur, tu le sais. J'aurais aimé ça faire de la lutte, mais physique, c'est pas la voie la plus envisageable. Par contre, je me rends compte qu'avec mon mariage... C'est probablement la seule opportunité dans ma vie où j'aurai une toune d'entrée. Ben, c'est plus la mariée. D'habitude, le gars, il est en avant. Ben non, il faut qu'il rentre. Non. Ben oui, il faut qu'il rentre. Il y a pas vraiment de cérémonie solennelle pour le monsieur qui rentre. Pas solennelle, mais il faut quand même qu'il rentre, qu'il marche. Un moment donné, là. Ouais, il faut qu'il rentre. Ben non, je sais pas, mais semble à Marie-Pierre, Nathaniel était juste en avant. Il a pas fait l'allée. Ben non, il faut qu'il fasse l'allée, il y a pas le choix. Ben, et tu peux décider de faire ça. Je vais faire l'allée. C'est ton mariage. Je vais avoir une toune d'entrée. Ok. Fait que là, Jumping Jack Flash sur un pogo stick. Ça serait malade. T'es mais là, les possibilités sont infinies. Puis je veux vraiment pas me planter. Je veux faire la bonne décision. Fait que j'ai dit, ben pourquoi pas demander aux gens qui nous écoutent à la maison. Hein? J'aimerais connaître vos choix pour la meilleure toune d'entrée pour mon mariage. Donc, si vous laissez dans les commentaires sur la page ou dans... Peu importe où, laissez-nous les meilleures suggestions, que ce soit loufoque, que ce soit intéressant, que ce soit drôle, que ce soit triste. Laissez-moi toutes les suggestions que vous voulez, puis la semaine prochaine, on fera un petit top 5 des meilleures suggestions de tune d'entrée de mariage. Hey, moi, là, je dirais que de même, là, je proposerais la chanson des 100 abonnés de Mr. Flamingo. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça serait pas pire. Ça serait très, très bon. Coconut Gun. Oui. Oui, ouais, ça, c'est ouais. Très bon. Ça serait excellent. Puis, probablement, Seul au combat des bébés. Ah, ouais, Seul au combat, ça, c'est très, très bon. Je vais le noter immédiatement, les deux autres aussi, je vais les noter demain. Voilà ce que j'ai fait cette semaine. À part de ça, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai de la misère à dormir ces temps-ci. Mes voisins sont bien, bien tannants, là, puis... Mais ceci étant dit, je suis quand même de bonne humeur, sauf que je manque visiblement de sommeil. Mais c'est pas grave, on a un petit thé, plein de théine. Plein de théine, ben là, j'avais... Ouais, mais on l'a terminé, mais en tout cas, on en reparlera tantôt, ça, c'est une petite histoire derrière ça. Genre de 34 secondes, là. Ouais. Maxime, toi, ta semaine, comment s'est-elle déroulée? Cette semaine, j'ai été voir la Limule qui Ouh. Jouait contre la Lick. Ah ouais? Puis il y a quelque c'est chose. C'est à quel endroit? À l'université. Où okay. Est-ce que la Limule joue toujours? La Limule, ça aurait pu être à Nancy. Oui, mais c'était jeudi. C'est la okay. Limule okay. qui recevait la Lick pour un match spécial de relâche parce que c'était la relâche. Oui, oui, oui. C'est vrai. Puis, avant ça, j'ai voulu aller manger à La Belle et le Bœuf. Okay, oui, la Belle et la Bœuf, ouais. Ouais, c'est un nouveau, semi-nouveau resto, ouais, là. Ouais, ça fait comme un petit boîte, là, ouais. Un demi, là, que ça existe, là, mais pas plus. C'est à 45 minutes d'attente. 45 minutes d'attente? Ouais, pour pouvoir avoir une table à genre 6h45 un jeudi. Je trouvais ça un peu louche, mais finalement, on n'a pas mangé là. On était mangé à l'Halte Bouffe de Place Sainte-Foy. Okay. Il y a une nouvelle Halte Bouffe qui est très bien, très propre. Y a-tu, c'est-tu là qu'il y a le comment ça s'appelle, les grillades Torino? Je suis pas certain, je suis pas sûr d'avoir vu ça. Ok, pas sûr d'avoir vu ça. Parce qu'il passe des annonces à la radio, là, ouais, tout le temps. Il y a des succulentes, bon. Succulentes patates et breuvages, pour seulement 8,99, là. Vous essayerez ça, les grillades de Torino. Ben non, il y a même pas été, on peut pas dire qu'on aime ben ça. Ben non, mais je parle au monde à la maison, là, vous essayerez ça, il l'a dit à la radio. Ok, bon, mais s'il le dit à la radio. Mais bref, ben finalement, après ça, on va à la Limule. Pis la Ligue, je sais pas si tu te souviens, t'étais-tu là quand on a joué contre eux? Ben oui. Ben un moment donné là, ils ont fait un. Il y a un gars qui a fait une parodie de un gars, une fille, qui était quand même drôle. Ben ils l'ont refait, il y avait une impro à la manière d'une émission de télé. Oh. Puis ils ont fait. Fait que à mon avis, ils doivent souvent faire un gars, une fille. Ça doit être leur trump card. Si on parle d'une émission, on prend un gars, une fille. Ouais. Mais moi là, ça faisait deux fois que je le voyais en genre deux semaines, fait que j'étais comme. Come on, les gars, c'est capable de faire un mieux. Ben, finalement, t'es comme, ouais, ben, c'est un peu poche, là, c'est plus vraiment de l'impro. Ouais, non, c'est ça, cette partie-là, ça m'a un peu déçu de la Ligue. Mais sinon, c'est un très bon match. Ça m'a rendu un peu nostalgique parce que j'ai comme passé un an et demi, deux ans à aller voir la Limule à tous les jeudis. Ouais, ben oui, ben oui. Puis, j'étais un peu déçu aussi parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'énergie puis que tout le monde avait l'air d'aimer faire de l'impro là-bas. Puis j'étais comme, ben, crime, je sais pas c'est quoi qui manque pour que tous les joueurs de chez nous à la Lipra aient comme, la volonté de jouer. Je pense qu'il y a une explication logique à tout cela. Il nous faudrait des cartes pièges. Plus de cartes pièges. Il faut l'âme des cartes. Il faut croire à l'âme des cartes. Non, mais effectivement, je trouve qu'il y a comme des vagues. Ouais. Puis ça dépend un petit peu de quelle équipe joue, comment le public répond et qui est-ce qui alimente un petit peu les équipes. Parce que essentiellement là, c'est ce que je crois constater de nos équipes d'improvisation versus les équipes d'improvisation que je vais voir jouer. Pendant les caucus, les équipes ont l'air d'avoir du fun, qu'on va devoir jouer. Puis nous autres, on a l'air de se creuser les méninges à mort pour essayer de trouver une idée. Puis j'ai pas l'impression toujours qu'on a l'air d'avoir du fun à chercher des idées ensemble, puis à comme dire, ben écoute, ça a pas été la meilleure impro, mais au moins, il y en a d'autres qui arrivent, puis ça va être cool pareil. Tu sais, je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. On pourrait peut-être travailler là-dessus lundi. Je pense qu'on pourrait travailler là-dessus parce que... avoir du plaisir dans les caucus. Ouais, exactement. Ouais, je pense que oui. Sinon, ben, j'ai fait beaucoup de PR, essayer de trouver du nouveau monde pour la Ligue d'impro. Puis, bon, je vais croiser les doigts. À date, je pense que j'ai pogné plusieurs bonnes personnes. Okay, je pense que oui. T'as tiré ta ligne à l'eau, puis là, t'as attrapé plusieurs poissons. Ah oui, à mouche en plus. À ça mord encore plus. Pêche à mouche. Je veux-tu te raconter une anecdote sur la pêche à mouche? Ben oui, ben vas-y donc. Moi, c'est drôle parce que je fais pas de pêche à mouche, OK? Mais là, je regardais... Moi, à chaque jour, je regarde mes souvenirs Facebook parce que des fois, il y a des affaires que je veux supprimer parce que je voudrais pas qu'un futur employeur fouille dans mes souvenirs Facebook il y a 7-8 ans, mettons, puis qu'il voit que j'aimais les Spice Girls, genre, ou des affaires de même, là. Fait qu'à un moment donné, je tombe sur quelque chose que j'ai partagé. Je suis pas sûr de comprendre c'est quoi, là. Puis finalement, c'était comme des appâts pour la pêche à mouche. OK. OK. J'avais partagé ça. C'était un concours, genre, gagner des appâts pour la pêche à la mouche. Là, j'ai dit, mais pourquoi j'ai partagé ça? Je fais pas de pêche à la mouche, moi, dans la vie. Là, je vais voir les commentaires. Là, il y en a un, il a écrit, tu fais de la pêche à la mouche, toi, point d'interrogation XD en majuscule. Ben là, je réponds, ben non, mais j'ai vu qu'on pouvait gagner quelque chose. Fait que j'ai partagé. Hey, c'est drôle, ça. La moitié du temps, je sais pas c'est quoi que j'écrivais dans mes vieux statuts Facebook. C'est là. Vrai. C'est comme des référents, mais j'ai plus les référents. Non, fait que là, Les Rage Comics existent plus. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que là, je regarde ça et je suis comme... Ah, t'étais bizarre, Maxime. La pire fois, c'est qu'un moment donné, je regardais mes vieilles archives de MSN. Puis là, dans un de mes sous-titres de nom, j'avais mis « Le 19e mi m'a ému ». Hein? J'ai aucune idée pourquoi j'ai écrit ça. Puis un moment donné, je continue à regarder les archives de ce bout-là. Genre, je me dis, il y a bien quelqu'un qui m'a posé une question. Mais mon ex, elle m'avait posé une question. « Hey, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le 19e mi m'a ému? » J'ai répondu, « Ah, je vais te le dire tantôt. » Oh, j'ai tellement penché contre moi, j'aurais pu avoir la réponse là, mais j'ai pas la réponse parce que je l'ai pas écrit. Puis là, j'ai aucune idée pourquoi c'est ma seule théorie. Ma seule théorie, c'est que attends, faut mettre la toune de la théorie. La toune de la théorie, toune de la théorie, c'est la toune de la théorie de Maxime. Ben ma seule théorie, c'est que je faisais une parodie du statut de notre oncle, l'oncle Jean-Marie, parce qu'il mettait souvent des trucs de musique, puis comme des citations. Fait que ma seule théorie, ça le serait 19e ça. Le 19e mi. Ah, comme la note. Ouais. Ok. Mais je comprends toujours pas pourquoi ça serait drôle. Ouais, peut-être. Ben, je sais pas, moi je pensais que tu parlais d'un mi, genre dans la console de jeux vidéo, oui. Ah non, non, ça existait pas encore. Non, ça n'existait toujours pas. Ça devait être genre en 2004-2005. Ok, là. Ben c'est très curieux. Si vous avez une piste de réflexion, vous pouvez me laisser dans les commentaires au 17 Avenue des Pins. Nous allons creuser la chose pour découvrir quel est le 19e mi, hein? Qui? Faut le trouver. C'est qui? Bref, c'est la théorie de Maxime. Fait que bref, c'est un peu ça ma semaine. C'était un relâche, j'avais pas beaucoup de monde à la job, j'ai pas assez dormi non plus. Bon. Puis travailler très fort sur l'impro. Ah, puis la semaine passée, je vous ai dit que je travaillais pour mettre le podcast sur iTunes. Ouais. Ben maintenant le 17 ème dépêche sur iTunes et Google Play. Yes. Que oui, notre page RZO est fonctionnelle. Oui. On est sur Pod Québec, baladoquebec.ca, d'autres affaires aussi là. Ben voyons. Des trucs partout, Facebook, ouais, Instagram, ouais. MySpace. Non. Pas Instagram ni MySpace. Ni mais... Twitter. Non, pas Twitter. Mais pas grave. Skyrock. Skyblock. On pourrait se faire un Skyblock du 17 ème des Pins. C'est vraiment là. On va mettre ça dans les plans. Sur Méga Québec. Méga Québec. Ouais, c'est genre un courriel là, québécois, là, comme la toile. Là. Ah, on pourrait aller sur Tazar, groupe Tazar. Ouais, je pense qu'on s'écarte un petit peu. Là. Ouais. Mais bref, le 17 ème des Pins est disponible un peu partout. Prochaine étape, Shiz. Mais ça est plat. J'ai un contact chez Shiz. Fait que là, je vais attendre qu'ils reviennent de la relâche. Puis, fait que d'ici la fin du mois, là, on devrait avoir fait notre demande. Cool. Donc, d'ici là, on a quelqu'un qui s'en vient. Au 17 ème des Pins, j'ai bien hâte de la recevoir. Nous allons nous retrouver tout de suite après la pause. Dave, il demandait c'était quoi sa stratégie. Il dit, mais là, moi j'étais là pour me battre, là, on s'en sac la stratégie, moi je me bats. Là, il y a 2 ans, j'étais en prison, là, vous pouvez suivre vos rêves, à ce temps, je suis champion, hein, j'aime me battre. Le gars là! Vous écoutez le 17 Avenue des Pins sur les ondes de puissance maximale. Oh yeah! Eh bien, re-bienvenue au 17 Avenue des Pins, avec quelque chose de très spécial qui n'est pas arrivé depuis, comme, l'épisode 6. Hein? Non, l'épisode 6, c'était David. Épisode 5, 4. Hein? Ben, c'est genre la... de saisir. Ben, c'est genre la première fois qu'on reçoit une fille au 17 Avenue des Pins depuis Rosalie. C'est la vérité, c'est vrai. C'est épouvantable. Mais c'est normalement sexiste comme émission, moi j'écoute plus ça. Ben je pense qu'on a juste trop d'amis de gars là. Ouais, on va cueillir des pommes. Ouais, mais c'est fou quand même comment qu'on fait cette association là. Puis si une femme avait invité plein de femmes à son émission, on aurait pas dit ben c'est sexiste, on aurait juste dit ben elle invite des femmes, point. Mais le contraire, par contre, on le remarque. Ah oui, c'est un double standard, comme on dit. Mais il y a quand même personne qui ne l'a jamais dit. Là. Non, c'est ça, il y a juste des autres. Et là, on se flagelle. Le monde s'en sac. Ah, mais bref, tantôt, je disais qu'on avait une petite histoire à raconter. Ben, c'est que ben c'est elle qui nous a fait l'été. C'est tout, la petite histoire. Ben, elle nous les a servis. Ben oui, elle les a... Si elle les avait fait elle-même, j'aurais été vraiment fasciné. Ben, elle les a infusés. Oui, elle les a infusés, c'est vrai. Et donc, c'est qui cette invitée? C'est Madame Gabrielle, Gabrielle Drouin. Bonjour Gabrielle. Bonjour, ça va bien? Ça va merveilleusement bien. Et toi, comment te sens-tu en ce 17 des pins? Je me sens relax, ça va bien. Ouais. Ben oui, ben on est dans une maison de campagne en même temps. Là. Les oiseaux viennent d'arrêter de chanter, mais je veux dire, on est très bien, très relax. Tu dois te sentir vraiment comme chez toi. Je sais pas de quoi tu parles. Mais bref, Gabriel, si tu veux te présenter un petit peu pour notre histoire qui pourrait ne pas te connaître malgré la petite photo qu'on a mis dans notre pub d'émission, qui es-tu dans la vie, toi, Gabriel? Ben, en fait, moi, je suis finissante en design graphique, donc bientôt graphiste d'une certaine compagnie X qu'on ne sait pas la nommer. Formation! De formation! C'est pas rien, là. Eh oui, en baccalauréat, donc style de l'université. C'est un portfolio, ouais. Mais t'es en construction. Oh, et comme Christian, son portfolio est en construction pendant genre 6 mois. Penses-tu que ça va être moins long, toi? Ah, mon exposition est au mois de mai. Pas le choix que ça soit moins long. Hey, c'est hot, ça. Ouais, ça sent bien, ça sent bien, c'est un mois. Est-ce qu'on va être invité? Mais si vous voulez venir, vous êtes invité. Yes! Quel genre d'art est-ce que tu proposes lors de cette exposition? Ben, en fait, c'est tous les concepts qu'on a fait pour des projets d'école ou non. Donc, moi, j'ai eu des projets à mon compte aussi. Puis, on montre ça selon qu'est-ce qu'on veut faire plus tard après l'exposition. Donc, est-ce qu'on veut faire du web? Est-ce qu'on veut faire de l'imprimé? Est-ce qu'on veut faire de l'édition? Donc, c'est tout exploiter ce qu'on a déjà fait. Puis, faire des montages pour montrer vraiment la division dans le domaine qu'on veut travailler. Quelle belle réponse de politicien. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus précisément qu'est-ce qui t'intéresse le plus, mettons? Ben, mettons, moi j'aime beaucoup la pub. OK. Sinon, ben j'aimerais... T'aimes ça influencer les gens, faire que les gens dépensent, qui brûlent leur argent, perdent leur paye. Arrête de la brusquer comme ça, là, franchement. Je m'excuse. J'aime passer des messages, en fait. Ah! Car lui, il ne sait pas ce qu'est un Polaroid. Donc, design graphique, tu es finissante et tu aimes également le thé. Est-ce que c'est ce qui te permet de rester éveillé pour faire tes projets à l'université? Pas nécessairement, ça dépend. Des fois, je prends des thés noirs, des fois, je prends des thés chai, des fois, je prends un café. Les cafés, si on en prend trop, on devient accro. C'est la vérité. Guillaume, veux-tu en parler de ça? La semaine des cafés gratuits est terminée. C'est terminé. T'es-tu revenu à une dépendance normale? Dépendance plus raisonnable. OK. Peut-être pas normale, là. Mais beaucoup café, plus raisonnable. C'est raisonnable. C'est peut-être pour ça que je dors plus à nuit. En tout cas, ça, c'est une parenthèse dans laquelle je ne veux point entrer. je me souviens même plus de quoi je parle. Ah oui, tu disais t'es noir, t'es chai. Veux-tu nous mettre un petit peu sur la table ce que tu connais du thé? C'est un peu vague comme question. Je vais essayer d'y aller dans le milieu. Parce que moi, je connais pas... Je connais ça moyennement. Là, disons que bref, je sais ce que j'aime comme thé. C'est quoi un thé? À base. Hein? On va commencer précis. Là. C'est quoi un thé? Ben, minuscule ou majuscule? On a l'herbe de thé qui est ce qui donne la théine, en fait. Oui. Puis il y en a des plus forts que d'autres selon là où c'est cultivé. OK, parce qu'il y a plusieurs sortes de feuilles de thé. Ouais. Ben oui, on en parle. On en parle. On instruit. Mais par exemple, ce qui est fait en Chine et au Japon, on n'aura pas nécessairement le même goût ni la même puissance. OK, mais est-ce que ça a rapport avec leur couleur? Parce que quand on dit thé noir, thé blanc, thé vert. Est-ce que c'est ça a un rapport avec la force ou c'est vraiment juste à, par rapport avec il peut avoir des thés noirs plus forts comme il peut avoir des thés verts plus forts, puis c'est vraiment juste à cause de la couleur de la feuille? Ben, la couleur de la feuille, oui et non, ça dépend vraiment de comment les propriétés de la plante en tant que telle. Okay. Par exemple, ben, tu peux avoir un thé vert qui va être plus fort qu'un autre, tu vas avoir un thé noir qui peut être plus fort qu'un autre aussi, mais en général, les thés noirs sont plus forts qu'un thé vert. Okay. Ou un thé blanc, genre un thé houlong. Okay. Ouais, c'est pas mal les grandes divisions premières. Après ça vient les saveurs, donc toutes les épices, les fruits, les arômes qu'on peut ajouter. Oui, parce qu'on peut avoir des thés noirs aux fruits, des thés noirs aux fruits. À la crème. À la crème. C'est vrai, il y en a même avec des bonbons. Il y en a la vanille. J'ai déjà goûté à la rougeaille, me semble-t-il. Oui, c'est vrai, tu m'en avais fait goûter, c'est quand même très bon. Ben, ça goûtait, pas vraiment la rougeaille essentiellement, mais ça goûtait le sucre, en fait. Dans le moins artificiel, t'en as au cacao. Oui, oui, hein? Oui, c'est vrai. C'est bon. Puis là, tu parles justement d'artificiel. La mode des thés est un petit peu moins forte, comme on disait, que ce qu'elle a été, mettons, dans les trois dernières années, mettons. Ouais, avec la poussée de Davidity à Québec, entre autres. Oui, ouais. Mais justement, il y en a plusieurs des boutiques de thé à Québec. Oui. Quelles sont les boutiques que tu préfères aller magasiner tes thés? Ben, en fait, moi, j'aime beaucoup le Seb's Tea Lounge, qui est sur René Lévesque, si je me trompe pas. Donc, il y a quand même quelques petites tables intéressantes. Oui, c'est une belle petite place. Puis, je vais faire un petit shout-out à l'ADD, l'Académie québécoise de l'art du déplacement, où est-ce que je fais du parcours. Car quand tu es abonné au parcours, tu as une carte de 20% au Seb's. Incroyable. Malade. Ben, c'est ça. Le propriétaire, ben, il aime bien gros se promener, faire des petits voyages, puis aller chercher des récoltes vraiment qu'il a pu goûter pour apporter à ses clients. Donc, c'est vraiment... En tout cas, c'est original, contrairement à d'autres boutiques. Oui. C'est vraiment le fun. C'est un bon concept. Il y a une fois, je n'avais acheté un gros sac du Seb's, puis c'était comme une grosse boule qui sentait quasiment le fumier. C'était très, très terreux. Puis, ouais, je me souviens... Mais c'est... non, ça avait vraiment un nom... un nom plus compliqué que ça, là. C'était quelque chose de vraiment moins... OK. Ça avait l'air chinois comme nom, là. Il y a plusieurs... C'est genre le Ling Ling Chang Chun. Ouais, mettons. Puis, ouais, mais c'était sorte, très bon. Peut-être, mais c'est peut-être quand même un pueur. Ça peut être quand même un pueur. Ça, c'est... Mais c'était pas précisé sur le sac. C'est mis dans des excréments d'animaux pour que ça puisse bien moisir comme faux. Puis après, tu le laisses dans le noir pour évidemment. Que ça soit encore bon. Oui. Ça a l'air très ragoûtant, dit de même, mais bon. Mais quand moi, là, je me questionne quand même à savoir qui est-ce qui a pensé à ça, là. Il dit, je vais mettre ça dans la merde, puis genre, 3-4 mois plus tard, ça va faire des bonnes feuilles. Je vais dire les Chinois, mais je me trompe peut-être. Parce que. C'est facile, mais ça, c'est la faute du Chinois. Je vais vous donner l'exemple de l'œuf enterré qui devient bleu. Hein? Ouais, en Chine, ils ont ça, des œufs qui font à la coque, là. Ok. Ouais. Puis le mettre dans la terre jusqu'à ce qu'il germe à tout ça, puis que ça devienne une espèce de gelée bleue verte, là. Ouais, puis il mange l'ixivia. Ça. c'est du jus de poubelle. En tout cas, bref, ils font vraiment ça. Ah, genre, on en apprend à tous les jours, j'avais aucune idée que ça existait. Ah, c'est une c'est de curieux. Mes profs de cégep, en fait, qui a fait un voyage et elle a appris ça là-bas. Mais j'ai moi, mon je voyage. Son voyage. OK, bon, on va la croire. Mais je la crois sur parole. Pourquoi est-ce qu'elle nous mentirait? Non, hein? c'est pas de menteuse. Ça passe à radio en plus. Ben oui, moi qui passe à radio. Fait que, bref, il y a le Seb's qui est ta boutique préférée? Ben, c'est une de mes préférées. OK. Dans ceux que je ne connais pas encore, mais que j'aimerais aller visiter, t'as le Lièvre et la Tortue qui est sur... Quelle? Je ne sais plus. Dans Limoilou. Dans Limoilou. Oui. Ça fait quelques années de ça, il a été ouvert, ils ont dû fermer pour je ne sais pas X raison, puis ils ont réouvert récemment avec quelques tables, dans le même principe, des saveurs plus naturelles avec différentes variétés. Puis si on s'en va dans le plus chimique un petit peu, parce que les demoiselles aiment beaucoup les saveurs variées, ben, je conseille Monsieur T par-dessus Davidity, parce que sont loin dans les... Justement, les saveurs artificielles sont beaucoup moins nombreuses. Donc, c'est de meilleure qualité, à mon avis. Plus on va vers l'authentique, mieux c'est. D'accord. Fait que Davidity, à ne pas recommander, c'est un peu comme le Walmart des boutiques de thé, là. Mais en termes de qualité, c'est quand même mieux que tes petites boîtes de thé à l'épicerie. Là. Du salada, le salada, ou tout ça, ouais. Mais sinon, très bien aussi, dans le même ordre que le cèdre, probablement aussi le lièvre et la tortue, on a le Camellia sinensis qui donne des cours de préparation du thé. Fait qu'un endroit, cérémonie aussi du thé. Ça c'est sur Saint-Joseph. Ouais, mais ça. Saint-Joseph. Ouais. Ah, mais je connais Saint-Joseph. Mais je connais Saint-Joseph. Il faut que j'arrête de suivre cette voix. Je l'aime beaucoup. Excusez-moi. J'avais plus rien à dire. Moi, je riais nerveusement, justement, pour passer jusqu'à ce que tu dises quelque chose, Maxime. Un petit fret niveau 4, ouais, mon niveau Guillaume. 4, mettons, Mais toi, dans le fond, là, on a parlé des boutiques de thé, les sortes de thé. Comment acheter son thé? Est-ce que t'es une fille qui va plus aller acheter des kits ou tu vas vraiment acheter... Moi, j'achète tel thé, j'en prends une grande quantité. Tu vas-tu au gramme, en paquet? Est-ce que tu vas souvent vers les mêmes saveurs ou t'aimes ça découvrir? Ben, en fait, c'est un peu tout ça. Quand je vais sur place, c'est sûr que j'aime bien déguster les thés qui peuvent nous faire déguster la journée même. Si on va, par exemple, au Monsieur Thé ou David City, par contre, au Sèvres ou... Bon, Camellia, c'est pas ça, mais ça fait en sorte qu'on peut découvrir certaines saveurs qui nous plaisent plus ou des trucs qu'on veut essayer que juste à l'odorat, on sent dans les échantillons. Ça donne un premier avis. Puis, on peut en prendre simplement une petite quantité. Puis, avec cette petite quantité-là, ben on prend quelques tasses, puis on voit si on aime ou on n'aime pas. Puis, au pire, on va en rechercher un plus grand pot qui devient plus économique. Oui. Puis, sinon... C'est du bouche à oreille des fois, on nous conseille des thés, on en essaye. Ben genre on s'en va chez quelqu'un puis il dit tu veux-tu un thé, puis là il dit ben moi j'aime bien celle-là, veux-tu goûter? Ben comme ça, tu nous as fait des thés avant pour la première chronique. Oui! Guillaume, toi c'est quoi que t'as bu aujourd'hui? C'était un thé blanc. C'était un houlong, mon doux, c'était quoi déjà? Je me souviens plus c'était quoi. C'est le premier en bas à gauche, là, dans ta grande boîte. C'était vraiment très très bon. Moi, j'ai adoré le goût. Qu'est-ce que t'as été recherché comme saveur? Du thé. Mais encore! T'as goûté l'eau chaude, là. Ouais. Dis-moi, okay. C'est quoi? Sauve-moi la mise, s'il te plaît. Alors, c'est Passion Impériale, qui est un houlong au ginseng. Au ginseng. De Seb City, justement. Ah, pour c'est le libido. Ton lumbago. C'est la libido, je pense, le ginseng. Et puis du ginseng pour ma libido. Ouais, pour ma suite. C'est du Viagra pour sa libido. Non, c'est pour leur monter le moineau, ça. Ça venait d'un coffret, bref, d'un coffret cadeau qu'on pouvait, que le Seb choisissait eux-mêmes les variétés. Puis, t'en as. Fait que c'était le choix du chef. Ouais, les choix du chef, si on veut. Puis, c'était un beau cadeau pour les amateurs de thé parce que ça nous permet de découvrir. Puis, en même temps, ben, tu débourses pas d'argent, c'est un cadeau. Fait que t'en profites. Puis, moi, ça fait. C'est qui t'a offert ça? Ça fait un an, puis à peu près que je les ai. Elle s'appelle Suzy. C'est une de mes amies cosplayeuses, en fait, de Montréal. Ah, ben, chantante à Suzy. Chantante à Suzy. On peut la voir déguisée comment? Vous l'avez sûrement vue en Tiny Tina de Borderlands 2. Ah oui, là, on parle vraiment de trucs qu'on connaît. Oui, mon jeu préféré. Ben oui, hein. Autrement, sinon, elle a fait Kotoko pour m'accompagner parce que j'ai fait Sumomo dans Chobits. Oh, tu fais du cosplay, toi aussi? Oui, oui, j'ai fait l'élite de Borderlands 2, donc c'est pour ça que je l'ai rencontré, en fait. Tout est clair maintenant, tout est clair dans mon esprit. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Donc, merci, Suzy Morin. Hein? Ah, Suzy Morin. Ah, oh, OK. Là, c'est clair pour moi. Là, je sais c'est qui. Non, pas toi. Ceci étant dit, ça c'était mon thé au ginseng. Et toi, Maxime, tu as opté pour un thé un petit peu plus exotique. Ben oui, j'ai été avec le vert Pina Colada. Pina Colada. Fait que c'est à base de thé vert avec des agrumes comme l'ananas et la noix de coco. Et qu'est-ce que t'es allé rechercher là-dedans, l'ananas ou la noix de coco? C'était beaucoup plus ananas. C'était plus un peu piquant comme thé. Là, ça allait chercher le côté agrume de la chose. Mais tu sais, avec l'amertume du thé vert, ça se jumelait bien. Avec l'acidité de l'ananas. Ouais, c'est ça. C'est un très très bon mélange. Très bon mélange. Je recommanderais. Tu classerais, mettons, sur combien de... De dinosaures verts. Ben, je mettrais probablement un micro-raptor sur le mégalodon. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Ben, c'est très clair. Parce qu'hier, j'ai été à la revanche, j'ai joué, je n'ai pas parlé là, pendant mon résumé de la semaine, mais j'étais à la revanche, puis on a joué à Timeline Dinosaure. Ah! Puis là, il fallait te lancer dinosaure par ordre de poids, là. Puis en ordre de grandeur, c'était fucking difficile. Ben, c'est sûr que ça doit, mon Dieu. Pas dire, j'ai tout perdu. Toutes mes games, j'ai perdu. Fait que t'as pris beaucoup de revanche, mais t'as oui, perdu des revanches. J'ai tout perdu des revanches. Bon, ouais, ben c'est ça. Et toi, t'étais-tu fait un thé? Non? Non, moi, j'avais pas fait un thé pétillant. Parce que j'ai fait beaucoup de chai latte cette semaine, en fait. Oh, mais... c'est bon. Ça, c'est bon. Mais oui, puis je parle pas de ceux du Starbucks qui sont trop sucrés. Non, non, moi, ben, j'ai oui, fait le mien avec quand mon quand t'as 450 calories par thé, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de pas correct dans ouais, ta recette. Oui, oui, mais c'est clair, mais t'sais... Mais sinon, toi, t'as-tu un favori? T'as-tu un thé favori que tu retournes toujours vers? Tes favoris. Bonne question. On va y aller avec des variétés parce que moi, le concept de préféré, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça dans la vie. Attends d'avoir des enfants. Ah, c'est sûr qu'il n'y en aura pas un de préféré. Bon, on va tous les aimer égales. Ouais. Ben, j'aime beaucoup justement les thés chai pour le côté un peu plus épicé. Oui, mais, c'est très, très automne. Oui. Sinon, dès que c'est un peu plus fruité en tant que tel, j'aime bien, mais pas nécessairement trop vanillé. Donc, des houlongs, une fois de temps en temps, c'est bien, mais je préfère peut-être plus un thé vert, justement, avec quelques fruits dedans. Mettons un thé vert à la framboise. Pourquoi pas? Ah, oh, yes, cool, j'ai mis le doigt dessus. Bon, ben, elle aime le thé vert à la framboise. On ça avec les questions. T'es-tu plus thé chaud ou thé glacé? Oh! Les deux, en fait, mais ça dépend des saisons, parce que le thé glacé, c'est surtout bon l'été, et c'est très peu calorique, puis c'est beaucoup moins sucré que de la limonade ou du thé glacé. Ben ouais, du Nesté, là, c'est juste du sucre, ou, là, on s'entend, là. Du risque, mettons, mais ouais. Mais ouais, ben moi je comprends pas ce concept-là. Je veux dire, j'achète de la slush en hiver quand il fait moins 30. Fait que moi je prends des thés n'importe quand. Vous savez que tu prends ça à part à la salle de King, c'est mettons. De plus en plus ouvert. Il reste de plus en plus ouvert une machine ouverte l'hiver malgré chez tout. Couchard, ça? Chez Couchetard, c'est pas mal la place, il y en a le moins par contre. Ok. Mais ça arrive encore qu'il y en a, mais toutes les autres, là, Esso, Petro. Souvent, il va y avoir au moins une machine d'ouverte. Ben voyons, je suis quand même surpris. Quand même surpris que tu me dises ça, parce que j'aime beaucoup la slush, moi aussi. Puis... Underground World of Slush. On pourrait se faire de la slush au thé. Hein? Oui. On pourrait révolutionner le monde de la slush. Ouais, ça avec serait des slush peu caloriques au thé. Oui. Des barbottines au thé, on le fait. On le fait. Fait. Go. Comment est-ce que tu vas pour nous faire un logo, tes graphistes? Ben ouais. Comment est-ce qu'on appelle ça, là, notre slush au thé? Barboté? Le barbuté? Barbuté! Parce que on est deux barbus. Oui! Ben, ça serait bien. Regarde, on va... Barbutine, des enfants. La barbutine, j'aime ça. La barbutine. La barbutine. J'aime bien la ça. La barbutine, le mieux. Nice! Yes! Yeah. This is it, the BL. Ben, on va vous laisser là-dessus. Pensez, imaginez ça. Si vous pouviez boire une slush au thé, une slush à quel thé vous prendriez, pensez à ça, puis nous, ben, on va revenir. Mais tapez. Là, on a Gabriel Drouin avec nous. Est-ce que tu as une page Facebook, une page quelque chose qu'on peut te question, suivre ça, parce désolé, que tu dis que t'es graphiste? S'il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, à se faire un logo de compagnie de slush, mettons. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Vous allez me voir sur ma page Facebook. Qui est Gabriel Drouin, designer graphique, donc vous allez trouver assez très rapidement. Normalement, oui. Sinon, ben, si, mettons, vous êtes curieux de mes cosplays, c'est Gab Mimiko Drouin. Donc c'est Mimiko, comment tu l'écris? M-I-M-I-K-O. Ah, mais ça s'écrit comme Mimiko. Ça. Mimiko. Mimiko Drouin. Ouais, exactement. Super. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir donné tes références. Est-ce que tu restes avec nous, Gabriel? Ben oui. Excellent. Ok, oui, on se revoit après la pause. Oui. Ok, bonjour, nous on parle des jeux vidéo, puis ça c'est vraiment cool, il faut rester 24 heures sur un écran, puis avec une manette de PS4, puis c'est ça. Puis moi aussi j'aime ça les jeux vidéo, c'est vraiment badass. Ça t'apprend, ouais. Ça te muscle les pouces, parce qu'avec les joysticks, ça te muscle les pouces. Ouais, des muscles de pouces. Ça fait vraiment bien, puis moi j'aime ça, avec les joysticks et tout, ouais. Ouais, tu peux jouer à tous les jeux de la vie, pis c'est vraiment le fun. Moi, j'aime les jeux autant les jeux de combat, de sport, de merci. Course. Hey, le meilleur jeu vidéo, c'est GTA 5 parce que tu peux tuer plein de mots. Pis le 4, pis le 3, pis le 2, pis le 1, pis le San Andreas. Le 4 est pas bon. Le Vice. Le 4 est vraiment pas bon parce qu'il a pas patché les glitchs. Ouais. J'arrête-tu, blablabla. Pis les glitchs d'argent, ça c'est bien pour vous parce que vous pouvez avoir $1 million. C'est bien. Ceci est un message du gouvernement du Québec. Vous écoutez le 17 avenue des Pins sur Puissance Maximale. Bonsoir, les parties. Oh que oui, c'est on est de retour et avec quelque chose de pas piqué des verres. Ça s'appelle, c'est un jeu de société. On va le dire tout de suite. Ah ok. Brunant, l'aventure au comptoir. Ouh. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté chez Archambault parce que cette semaine, en fait depuis 2 semaines, il y a des spéciaux font comme la rotation là, puis des trucs qui se vendent pas beaucoup, ben ils vendent. Avec des gros rabais, il y avait 75% de rabais sur ce jeu-là. Déjà qu'à la base, il valait comme, je pense, 34 ou un affaire de même. Il était réduit à 28. Puis là, j'ai payé 75% de rabais de ça. Fait que j'ai payé genre 8$ pour mon jeu. Quand même. Puis la dernière fois qu'il avait fait ça, j'avais ramassé un autre jeu avec les sultans de Karaya, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu de party. Si jamais vous voyez ça, essayez-le. Fait que bref, aujourd'hui, on joue à Brunant, l'aventure au comptoir. Ouais. Le concept de ça, c'est que c'est comme si on était des guerriers. Ah. Puis on se raconte les aventures qu'on a vécues dans le passé, mais on les vit aussi. Ah. Fait que là, c'est comme un flashback. Oui, si on veut, c'est des flashbacks. Puis là, je me dis, tu te souviens-tu la fois que tu t'es battu contre un gros dragon géant? Puis là, Guillaume, il est obligé de se battre contre un gros dragon géant parce que c'est ça que je me suis souvenu. Bon, jusque-là, vous me suivez? Oui. Mais là, on est les quatre, les dés. Là. Quoi, ça va nous être utile? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne question, Guillaume. Et dans le fond, les dés nous permettent de piger des contextes. Fait que, on va chacun être guide une fois. Puis quand on est guide, c'est nous qui se rappelle l'aventure. Puis c'est qui a fait quoi? C'est pas nous, c'est les autres joueurs. Ah! Puis les dés, ils permettent de choisir ça et ils permettent de faire les combos aussi. Okay. Fait que celui qui est guide prend 2 dés. Non, on prend 1 dé. On va avoir chacun 1 dé. Puis on a chacun un petit jeton rouge pour nos points de vie. Cool. Et dans le fond, si on est à 6, on est plein de vitalité. Si on est à 0, on est vraiment amorphe. Mais on n'est pas mort. On part tout à 6. Puis jamais au cours de l'aventure, on peut utiliser des objets pour regagner de la vitalité. On peut en perdre contre des guerriers. Ce qui fait qu'on doit jouer en conséquence de notre vitalité. Je vois. OK. On a chacun 2 cartes spéciales qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Si jamais c'est des combats, on peut dire « Ah oui, mais il y a un autre monstre qui est apparu. » Puis quand moi, je raconte l'histoire, ben, vous pouvez bien sûr intervenir et passer vos commentaires. Ouais. OK. Enfin, on peut te couper à tout moment. Oui, tout à fait. Ah, c'est comme si on était dans une taverne en train de se raconter ça autour d'une table. Je vois. Fait que je vais faire le premier guide, vu que c'est moi qui ai lu les instructions du jeu. Et je pige maintenant 4 cartes. Parlant de la table, as-tu besoin? On a une petite carte avec des tables dessus. J'ai pas vu le jeu. On va mettre sur le jeu. J'ai une carte dans mes mains, puis je pense que ça pourrait nous être utile. Ok. Viens, là. Je sais pas pourquoi, mais je pense que oui. Je sais pas à quoi ça sert, mais là, on a une carte avec une table. Je sais pas à quoi ça sert, mais on est là. Je vais commencer par demander à tout le monde de se présenter, parce qu'on a des personnages. Oui. Donc, pour se mettre dans la peau du personnage, Guillaume, voudrais-tu faire ta voix de personnage et nous dire un peu t'es qui? Très bien. Je suis Hildegunde, la Valkyrie haut et fort. Oui, mais t'as une moustache. Oui, mais j'ai un buste. D'accord. Très bien. Et je joue d'aucun instrument de musique. En fait, je pense que c'est une arbalète, peut-être. Mais je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je suis pas quelqu'un de très très physique ou de très très intelligent. J'ai mes limitations. Je suis pas très très malin. Mais, ma maman disait toujours, l'important, c'est de créer sa propre chance. Et c'est ce vers quoi j'aspire. Oh, c'est si bien dit. Très bien dit, Hildegunde. Oui, merci. Merci. Moi, je suis le frère Dominique, le frère Dom, pour les intimes. Je suis un moine mielleux. J'inspire la générosité. Puis, niveau technique, là, pendant la partie, à n'importe quel moment, je peux utiliser un objet neuf d'un autre joueur sans qu'il s'en rende compte. Oh. Comme je peux faire ça une fois si l'autre n'était pas en train de l'utiliser. Oh, je vois bien. Ouais, un petit moine. C'est intéressant. Et toi, Gabriel? Je suis Brunant, guerrier des forêts. Ouh. Je suis une vraie bête de combat. J'ai été élevé dans une arène, puis j'adore manger des oursins sans retirer leurs coquilles. Hey, si bien que même le jeu a été appelé selon ton nom. Hey, mon Dieu, tu vas être le plus important, là. Je le vois dans ton visage que tu es un vrai guerrier. Ouais, je trouve ça bien, bien impressionnant, Brunant. Oh, bien content de te voir. Bon, ben, à ce temps moi qu'on... aussi. Oh, vous êtes très sympathique. On devrait boire plus souvent ensemble. C'est compliqué, ton nom. C'est quoi, déjà, là? Hildegunde. Hildegunde. La grande Valkyrie haut et fort. Ah ouais? Est-ce que t'es une dame harpie? Non, je ne suis pas une harpie, je suis une valkyrie. Okay, écoute quand je parle. Je le tente les deux. Ben là, je vais commencer mon tour, parce que là, c'est à moi de me rappeler c'est quoi qu'on avait fait récemment. Est-ce que vous vous souvenez, sacrebleu, est-ce que vous vous souvenez de la fois que nous sommes partis à la recherche d'un enfant disparu? Oh, comment pourrais-je oublier? C'était très, très triste, on était dans les forêts de Valcaron. Oh. Ou est-ce que c'est proche de chez vous, ça, Val-Caron? Ouais, proche de Val-Alain, puis de Val-Belair. Ouais, dans ce coin-là. Ouais. On cherchait des enfants perdus dans les champs. Puis là, on avait vu une vieille seringue usée. Ah! Oh. Mais là, t'es drogué dans ce coin-là, certain. Gang d'enfants de chienne, ils volent nos enfants, ils volent nos jobs. Ah ouais, là, faudrait que... Non, rien que ça. Je me souviens, c'est qui déjà qui utilisait cette drogue? Ok, oui. Je sais pas trop comment est-ce qu'on avait fait ça déjà, mais il me semble que c'était Brunant qui était en train de se piquer dans le champ. Oh, Brunant, tu m'as dit que t'avais arrêté. Tête de drogué! Ouais, mais là, c'était quand même pas si pire, parce que là, tout d'un coup... Pendant qu'on était en train de regarder le drogué, il y avait un grand combat qui était apparu. C'était un lapin soleil. Oh, mais il a l'air d'un golem aussi. Ouais, mais c'est à cause qu'il était un peu vert, là. Mais là, évidemment, Brunant, qui était en train de se piquer, était pas très, très disponible pour se battre. Fait que là, c'était Hildegunde qui l'avait pris de plein fouet. Et c'était pas un très gros lapin soleil. C'était un petit lapin soleil. Ouais. Fait que là, pour le jeu, parce que là, Degun n'est pas sûr de ce qu'il doit faire. Ouais, c'est vrai, ça. C'est un combat physique que t'avais fait contre le lapin soleil. On peut voir ça sur la carte. Et donc, tu dois utiliser ton physique pour le combattre. Si tu réussis à frapper plus fort que lui, tu le bats. Sinon, tu le bats pas. Okay? Puis tu perds des points de vitalité. Fait que là, tu dois tirer le dé. Et si tu prends tires un 6, tu peux retirer jusqu'à temps que tu pognes pas un 6. Ça a l'air moyen clair, mais ça, c'est juste parce que je manque de mental. Je vais essayer de lancer un dé, puis je pense qu'on va bien, se débrouiller. C'est un 3. Un 3, puis t'as combien de physique? J'ai 4. Eh bien, malheureusement, t'avais manqué ta shot contre le lapin. C'est normal, c'est un golem. Fait que là, tu t'étais fait mordre donc, au cou. Ouais. Hein, fait que là, t'avais eu une petite blessure, puis t'avais perdu comme un point de vitalité. Ouais, mais hey, ça saignait. C'est un lapin soleil de vampire. Tu sais, les vampires du soleil. Tu t'en souviens de ceux-là? Ben oui, je m'en souviens des vampires du soleil. Les vampires du soleil qui pouvaient être là le jour, mais pas la nuit. Ouais. C'est un petit peu à l'inverse de la chose, ça. Non, ben oui. Mais là, vous êtes dit, là, ça va pas bien. On rencontre des lapins soleil, puis là, on est même pas capable de les battre. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver un enfant? Ben là... Il y avait une masse qui était accrochée à un grand arbre. Fait que là, Brunant avait fini de se piquer. Fait que là, il était comme un peu mieux. Fait que là, vous êtes dit ensemble, on va aller chercher la masse. C'est la masse des ours, c'est pas n'importe quelle masse. Puis là, vous êtes dit, on va aller chercher ça ensemble. Mais malheureusement, il y avait un cramp. C'est un genre de gros golem là avec plein de haches puis de hachoirs de coller ses bras avec la ficelle. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ah, il était violent, lui. Ah oui, il était violent. Violent au moins comme un rat musqué. Ah ouais, mais il était pas trop malin. Là, on était tous les deux pour sa crème volée. Ouais, vous avez essayé de vous battre tous les deux pour réussir à se battre ce gros monstre-là. Fait que je vous invite tous les deux à essayer de tirer... Ouais, ça me fait pas mal de points, là. Ça me fait au moins 7 gros points. Ben là, vous y avez sacré une volée. Il y avait aucune chance. Vous l'avez attaqué à deux, pareil. Ouais, ben, j'attaquais devant. Ben là, j'avais mon dose d'adrénaline, moi, là. Je viens de me piquer. Ben, c'est ça. Avec Brunant, était tellement fort que c'est lui qui avait réussi à ramasser le trésor. Mais, pour la masse, là, vous étiez comme fâchés tous les deux. Ben, vous aviez décidé de vous battre sur une charade. Ouais. Donc, je vous invite chacun à faire un lancer de mental, à savoir c'est qui avait réussi à lancer le mieux sa charade. Ouais, ben moi, c'était une charade, il y avait pas ben de rime dedans, là. C'était assez rudimentaire. Alors, moi, j'étais trop dedans, là. Ouais, il était dedans, à mort. Il m'avait slamé ça à mort. T'as dit, il avait l'air de me nîmes. Hey, c'était vraiment le fun. Puis là, on était reparti, puis Ben finalement, on avait jamais trouvé l'enfant, là, mais crime, on avait vécu une belle aventure. Ça avait été vraiment une super aventure. Bravo à Brunan d'avoir battu le monstre. T'étais fort dans ce temps-là. Parce que... Plus qu'on est fort. Ben oui, mais on s'est battu ensemble, toi et puis moi, mais c'est sans rancune, je t'aimais pareil. Ah, ok. Mais toi, Dégun, tu te souviens-tu d'une autre aventure qu'on avait faite ensemble? Laissez-moi avaler une petite gorgée de ma chope. Parce que bien évidemment, je m'en allais vous raconter la bonne vieille histoire où est-ce qu'on a parcouru le monde à la recherche d'une mystérieuse cité perdue. C'était perdu, à mon avis, on l'avait pas trouvé, là. Ah, oh, ben, t'as peu. C'est important, là, de voir la bonne chose. Parce que là, on parlait de la forêt perdue. Cette journée-là, on était partis en exploration. Vous souvenez-vous, les gars? Ben, moi, je me souviens plus vraiment qu'on était partis à la cité perdue, fait que déjà, non, là. Ben, on se rendait à la cité perdue, pis on devait traverser toutes sortes de contrées. Des forêts, des plaines, puis des montagnes. Ah, les montagnes, ouais, c'est bon, je me rappelle. On a commencé d'abord par se diriger à travers un boisé. Un boisé qui est habité de toutes sortes de créatures fantastiques. La première, tu t'en souviens très très bien, le frère d'homme, ça va t'en venir un petit peu dans l'esprit. Je savais que j'étais pas très malin, mais faut croire que toi non plus. Mais il y avait un gros poulpe qui s'est présenté devant toi. Il t'avait fait chavirer vers en arrière, puis t'étais sur le cul pour le combattre, tu t'en souviens? Ah ouais, c'était vraiment pas évident. Petit parenthèse, faut que tu tires un dé, tu l'ajoutes à ça. Okay? Oui, c'est ce que j'avais cru. Dans le fond, ça, tu me dis pas c'est quoi le chiffre que t'as tiré, ok? Ok. Mais faut que tu décrives un peu. Si c'est un gros chiffre, tu me dis que c'était vraiment un gros poulpe, si c'était un petit chiffre, c'était un petit poulpe. Puis là, moi, ça me donne une idée sur comment le battre. Ok. C'était un poulpe gigantesque, contre lequel tu n'avais pratiquement aucune chance. Il t'aurait fallu, vraiment, pousser ta loque au plus grand point. Parce que sinon ça, le poulpe t'aurait anéanti, n'est-ce pas? Ben en effet, mais j'étais très préparé. En tant que moine, j'ai utilisé ma voix et j'ai décidé de faire un gros coup de poing dans sa face pour réussir à le battre. Et ben évidemment, j'ai lancé comme un gros coup de poing d'une valeur 14. D'une valeur 14, c'était tout juste suffisant pour anéantir le poulpe qui avait une très très grande force. Tu devais maintenant réussi à affronter le premier obstacle sur ce boisé qui continuait et qui continuait et qui se poursuivait pendant des kilomètres. Je dirais même que on croyait que jamais il ne se terminerait jusqu'à ce qu'une colline se présente devant nous. J'étais le premier à escalader cette colline et j'y étais rendu mais Brunan, il aimait vraiment ça les montagnes, me semble. Brunan, il adorait les montagnes. Cependant, Brunan était un petit peu handicapé parce qu'il ne voyait plus clair. Brunan avait perdu sa paire de lunettes. Sa paire de lunettes se retrouvait au sommet de cette colline. Et le plus rapide d'entre vous pouvait retrouver la paire de lunettes. Et pour cela, bien évidemment, il faut utiliser toute sa force physique pour escalader la façade le plus rapidement possible. Eh bien, moi, je courais comme une vitesse de 10 km heure. C'est pas pour toi, Brunan, là? Moi, plus 11, là. Oh, ouais, t'es comme plus vite. Il a réussi à retrouver ses lunettes le plus rapidement possible. Bravo, Brunan. J'ai vraiment essayé fort, mais tu sais, après avoir donné un si gros coup de poing au poulpe, là, j'étais comme pas mal plus fatigué. T'étais pas mal épuisé. Ouais. Puis après ça, on a eu un petit redout. T'en souviens-tu? On a vu de l'horizon à perte de vue. On pouvait voir au loin, il y avait absolument rien. Seulement le blé qui se faisait flatter dans le vent. Moi, je trouve c'était ça beau, si le blé. C'était doux. Quand on courait, ça nous chatouillait un petit peu les chevilles. Ça donnait un petit repos parce que ce qui s'en venait n'était pas de tout repos. Un autre boisé. Mais un boisé beaucoup plus effrayant que le précédent. Un boisé dans lequel il y avait de la noirceur. Non, pas des monstres noirs de la forêt. Non, pas des monstres noirs, c'est juste que ça nous faisait un petit peu peur. On les regardait, la forêt, puis là, finalement, c'était beaucoup moins grave que ce que l'on aurait pensé. Il y avait pas grand-chose dans la forêt, puis on a juste traversé l'autre côté, paf! La cité perdue! Elle était là? Non, elle était perdue. Mais c'est ça que je disais, je m'en souvenais pas qu'on l'avait vue. Mais on l'avait pas vue, parce qu'on est arrivé là, puis elle était rasée, la cité perdue. Ah, plus rien. C'est notre Eldorado. Strictement plus rien. Mais vous souvenez-vous, fallait quand même, on a traversé toutes sortes de contrées là. Qu'est-ce qu'on a exploré à travers ça là? Mettons qu'on fait ça en revue là. Toi là, frère Dom, je sais que t'es pas très très malin, mais t'es peut-être capable de recall un petit peu. Qu'est-ce qu'on a dû traverser pendant cette aventure? On avait dû traverser une plaine. Pas en premier. Non, c'est sûr qu'on était passé par la plaine en premier. Mais toi là, Bruno. Passer par la chute. Ben non, c'était même pas d'un choix, Brunan. T'es où, Brunan, comme l'expliquer? On a commencé dans la forêt. Ouais, c'est vrai ça, on est parti dans la forêt, on a traversé la grande, grande forêt. Ben ça, il y avait les montagnes. Ben non, pas les montagnes. D'autres forêts. D'autres forêts, exact. Ouais. Je poursuivais à perte de vue la forêt. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a vu? Les montagnes. Les montagnes, fallait les escalader, les grandes, grandes montagnes. Puis rendu en haut, La plaine. Ouais. Plus rien. Fait que, wow. Brunette, t'étais comme vraiment hier, t'as souvenir de cette histoire-là. Ouais, bravo. T'as vraiment réussi à t'en souvenir. Parler des montagnes. Presque à perfection. C'est les montagnes de Brunette. Depuis qu'il avait retrouvé ses lunettes, il voyait vraiment plus clair. Vraiment, presque à perfection, t'as réussi à t'en souvenir, mon Brunette. Il manquait seulement deux éléments, là, à la fin. Là. Ah, ok. Après la grande plaine, là, qu'est-ce qu'on a fait après, là? Tu sais, c'était de la noirceur, pis tout, là, Brunette, là. Ben, la noirceur, pis la cité perdue, comme il a dit. Ben oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi qu'il y avait dans la noirceur? Ben, c'est la forêt des... Il y avait c'est rien. La forêt de la noirceur. Oh yeah! Pis après ça, après la forêt de la noirceur, c'était... La cité perdue rasée. Donc? Des plaines. Les plaines. Donc, plaines. Ah! Vous avez fini par trouver qu'est-ce qu'on a traversé. C'était comme un travail d'équipe, là. Ouais, c'est qui gagne son point d'argent? Je vais regarder. Parce que vous avez pas réussi à le trouver assez rapidement. C'était trop long. C'est moi qui garde. Je pensais pas qu'on avait passé plusieurs fois dans des forêts. Ben oui. Je l'ai dit à perte de vue. Hein. On avait l'impression que ça finissait jamais. Réfléchis, frère Dom. Voyons donc. T'as pas très très de mental. Mais mettons là que... Outre ça, là. Hein? Je pense qu'on avait une petite dernière histoire qu'on peut se raconter. Ben oui, je pense que Brunan avait une histoire à nous raconter. Là. Oui. Faut que tu tires le dé deux fois, Bruno. Ok. Première fois, c'est un 3. Deuxième fois, c'est un 4. Donc, 34. Bruno, t'es déjà monté sur un crevettier? Quoi? Un crevettier? Ben oui. Non, je m'en rappelle pas de ça. Ben, le crevette, c'est le fruit de la mer, hein? Oui? Oui. Il y a toutes sortes de crevettes qu'on peut faire dans la mer. Mais continue, hein, je te raconterai ça une autre fois. Vous rappelez-vous? On a dû faire... On a dû fuir face à une armée de fantômes, sacre bleu! Oh, c'est le fantôme de la noix! Petite parenthèse. Tantôt, j'ai pigé 4 là, il m'en restait une. Est-ce que je la conserve ou non, je la jette? Normalement, il aurait fallu que tu l'utilises dans ton histoire. Ben, je... Ah. Faut utiliser les 4 cartes. Faut les utiliser absolument. Ouais. Ben après, après la dernière forêt, la dernière plaine, on est allé à l'auberge. Mais là, fallait lancer un dé sur le plan de l'auberge. Mais je sais pas ce que c'est quoi, hein. Très bien. Nous allons donc effectuer nos tirs lors de la grande fête au retour de la cité perdue. Ok, oui. 3, 2, 1, c'est parti. Wow, balaye! J'ai pris des dégâts, hein! Ah ouais, moi j'ai un point des dégâts! Non seulement Brunan, mais Brunan lui était exercé. Non, tu dois tirer sur la table. Mais Brunan, t'es pas très malin non plus. Eh bien, hey, mais il était très exercé. Tu gagnes, mais t'es déjà en pleine santé, Brunan. Mais il gagne la carte de l'auberge. Brunan monopolise toutes les cartes. Yeah. Trop fort, Brunan. Et tu mets ça dans ta bourse parce que ça vaut de l'argent. Oh. Ok, oui. Brunan, il est riche. Le moine mielleux avait perdu sa voix mielleuse. Oh, pauvre moine. Donc, c'est maintenant l'histoire quand on a fait face aux fantômes. C'est ça, Brunan? L'armée de fantômes, ils faisaient peur, mais on les voyait pas très bien. Mais c'est ça qui est le fun avec les fantômes, c'est quand on les voit pas, c'est pas éparant. Ouais. Mais là, au début, parce qu'on venait de faire une grosse aventure, on s'est reposé dans un village. Pas un crevettier? Non, c'est vraiment un village. C'est avant, là. Ah, on avait mangé des crevettes papillons, des crevettes kebab, des crevettes barbecue, des crevettes citron, crevettes farcies, des crevettes dans d'autres crevettes, salade de crevettes, des scampi, soupe de crevettes. Ouais. C'est et tout. C'est à peu près tout. Ouais, c'est tout. Ouais, c'était très bon. C'est à peu près tout. Très bon système des fruits. Des bonnes crevettes. Ok. Tu demandes quoi faire? Frère Dom, ben. Ouais. J'étais un petit peu distrait, il faisait noir. Ben ouais, on était dans une auberge, il y avait pas beaucoup de chandelles. Ah, toujours de même, frère d'homme, tu vois, il fait noir, Ben, il a décidé qu'il allait prendre une marche dans la plaine. C'était pas tellement une bonne idée. Ouais, tu venais de manger là, plein de crevettes en plus. Ils ont rencontré... un Dark Hill Gargouille Ninja. Pas la... Oh non, vous... Oh, ouais. Je me souviens de la fois que je me suis battu contre une Gargouille Ninja, ça avait pas été facile, hein. Ouais, mais c'était un ninja, là, qui était très très intelligent. Ouais. N'est-ce pas? Ben oui, mais j'ai essayé de le battre avec la force de mon mental, ok? T'es quand même moyennement fort, parce que... Ben ouais. Je pense que t'étais quand même condamné de le départ. Ben, déjà, je suis pas très intelligent, hein? Je m'achète des gratteurs chaque semaine, hein, fait que... Ah, les gratteurs, les gratteurs du frère indien, hein? Fait que là, j'ai envoyé comme un stocku de niveau 6... Ouais, mais ça, c'est dans les beginners. Ouais, mais ça, j'ai essayé de le battre avec, en faisant des stocus, mais j'imagine que j'ai pas réussi à le battre avec mon petit... C'était un fort cruciverbiste, il me semble. Non, il était assez solide. Fait que là, je me suis mangé comme un papercut de Sugoku à l'infini. Ah, il saignait de partout! Ah, ouais. Vraiment anéanti. Ah, c'est vraiment pas fort. J'étais comme en train de me ramper à terre. Ouais. Je pense que c'est les crevettes. Ça me tout mélangé. Ben, je t'avais vu au loin, là, parce que moi, j'étais encore dans l'auberge, là. Hein, ah, et on revenait au village plein de sang. J'espère que tu l'as vu. Ben, je l'ai vu. Ben, il hurlait. En plus, il disait, lapin, lapin. Tu ne donnerais pas de ton eau. c'est pas... Par contre, ça va pas bien que je suis pas capable de vivre ma vie. Ouais. YOLO. YOLO. Comme qui dirait l'autre. Pis là, ben... Il a voulu aller l'aider, pis il est couru vers la plaine. Il passait tout droit, faisait trop noir. Il t'a dit, t'es tellement gentil. Fait que, il a retraversé le village. C'est parce que je t'aime, ma belle. Pis il est tombé sur un marais. Pis, il a rencontré une flamme caverne. Ouais, une flamme crevette. Ouais, ouais. Crevette flambée. Mais là, moi, fallait que tu sois plus intelligent qu'elle. Là, moi, je suis pas très malin à la base. Fait qu'il fallait vraiment que je réussisse quelque chose d'impressionnant. On était vraiment pas une équipe de très intelligents. Non, vraiment pas. Je dirais, là, j'avais fait un sudoku comme le tien, tu sais. Tu m'avais montré comment faire, là. On faisait ça avec nos crayons bleus pis verts. Non, t'as comme mangé un bon 3 d'intelligence dans le corps. Je me suis fait donner un bon 3 sa gueule pis, là, la plus grande option, là. Là, on avait mangé ben des crevettes pis on était les deux en train de ramper à terre. Ouais. Après s'être battu, on a un ninja pis un verre de terre géant qui crachait du feu. Ouais, je comprends. Là, ben, il était trop désorienté, fait qu'il était retourné dans la plaine. Ah oui? Pourquoi pas? Et, ben là, ils ont fait face, le frère d'homme, pis Iralgun, à une couronne neige. Là, la reine des neiges. C'est dommage, parce que... C'est un toursosaur, liche préhistorique. C'est plate, parce que nous autres, on n'est pas très très intelligents, pis là, ben, il fallait se faire face à des monstres qui avaient des stratégies particulièrement particulières. Pis là, c'était dangereux. C'était un grand danger. Mais là, moi, j'étais intelligent, j'avais ramassé les lunettes de Brunant avant de sortir. Je me suis dit, volé. Oui, mais c'est dit comme ça j'allais mieux voir dans le noir. Puis là, comme on est vraiment pas fort, je pense qu'on va se battre ensemble pour essayer de le battre. Ouais, on a additionné nos forces. Moi, je l'ai pris par la gauche, toi par la droite. Puis ça a porté fruit. Ben oui, j'ai comme fait rajouter 6 de dégâts. Ah, moi j'y ai fait au moins 7. Vous l'avez pas assez, les gars. Ben voyons. Il accroche la fille. Voyons donc, si on s'additionne, là, ça fait genre 15. Il était vraiment fort mentalement, là, lui. Ah, fait que là, il a vu nos attaques venir, chacun de notre côté. Puis là, nous autres, quoi, là, on est comme morts dans la plaine. On t'a bien gros mal pris, je pense. Vous étiez pas mal, là. Je suis venu vous chercher. Vous chercher dans la plaine. T'es tellement gentil, Brunant, là. Vraiment, on aurait pas dû aller manger des crevettes. Ça allait vraiment pas bien. Vraiment bon, on sentait lourd après ça. Fait qu'on finit par... On était couché là, on était sous des civières, littéralement. Ouais. Fait que là, vous rappelez-vous que dans quel ordre on a fait toute cette aventure-là? Et on était déjà sur les civières, c'était pas facile. Je vais te laisser commencer. On va me laisser commencer. C'est quoi nos choix? Ben, vous avez les plaines, les marais pis les villages. Ok. Ah, ben moi, je m'en souviens ben gros que j'étais capable de voir un petit peu ce qui se tramait à l'avance. Fait que pendant une durée de 10 secondes, j'avais le droit de regarder la carte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, et puis je pense que j'avais une bonne idée de ce qui se tramait. D'abord, on a traversé le village, tu t'en souviens? Oui, tout ouais. était parti. Après ouais, ça, on mangeait les crevettes. Ben oui, on est passé par la plaine, n'est-ce pas? Hein, ouais. Pour rencontrer toutes sortes d'ennemis. Puis on est revenu au village. Parce que là, dans le village, on était un petit peu confus. On était encore dans le village. Puis après ça, ben, c'est le marais qu'on a traversé pour finalement se retrouver anéanti dans la plaine. C'est exactement ça. Oh wow. Ben, je me souviens de notre escale. Je suis pas fou. Non. Non, non, c'est vraiment des belles aventures qu'on a vécues ensemble les filles, j'étais avec deux filles. Ouais. Puis moi au bout de toute cette aventure là, j'avais seulement réussi à ramasser 5 pièces de trésor. Heureusement, moi je n'avais 6, mais comme j'étais mort, hein, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, hein. Ça c'est vrai. Mais je pense que Brunan, lui, c'est lui qui a été vraiment le plus fort dans toute cette histoire. Brunan, c'est un colosse. Ça c'était un joke quand tu t'es... Ben oui, c'est... Tu les conserves. C'est ton attirail de base. Tu les conserves, ma belle. C'est ça. Oh wow. Brunan, t'étais trop fort. C'est toi qui as tout gagné avec genre 10 pièces. Bravo, Brunan. Wow. Ouais. Je suis content d'avoir parlé avec toi, Brunan, puis avec toi aussi. Mais heureusement qu'on peut se retrouver juste tout le monde autour d'une bonne bière dans une maison de campagne. Hein. Ouais, au 17... Avenue des Pins. Bientôt autour d'une autre table dans une autre aventure. Ciao, ciao. Le 17 Avenue des Pins est une production Puissance Maximale et RZO. Une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.